Maintenant, il faut donner une famille aux jeunes gens. D'abord, à la jeune fille. La famille de Mireille n'est pas pauvre, mais elle n'est pas riche non plus. C'est une famille aisée. Est-ce que Mireille va avoir une mère ? Oui ! Est-ce qu'elle va avoir un père ? Oui ! Bon, alors c'est entendu. Mireille a un père et une mère. Le père et la mère de Mireille travaillent tous les deux. Son père est ingénieur chez Renault et sa mère est chef de service au ministère de la Santé. Mireille a deux sœurs. Cécile est plus âgée, elle a 23 ans et elle est mariée. Marie-Laure est beaucoup plus jeune. Elle a 10 ans et elle n'est pas mariée, évidemment. Maintenant, il faut donner une famille aux jeunes gens. Une famille, une famille. Il faut donner une famille aux jeunes gens. Il faut donner une famille aux jeunes gens. La famille de Mireille n'est pas pauvre. Pauvre. Elle n'est pas pauvre. La famille de Mireille n'est pas pauvre. Mais elle n'est pas riche non plus. Elle n'est pas riche. Riche. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas riche non plus. Non plus. Non plus. Elle n'est pas riche non plus. C'est une famille aisée. Aisée. C'est une famille aisée. Est-ce que la famille de Mireille est riche ou pauvre ? La famille de Mireille n'est pas riche, mais elle n'est pas pauvre non plus. Bon, alors c'est entendu. Mireille a un père et une mère. Un père et une mère. Mireille a un père et une mère. Le père et la mère de Mireille travaillent tous les deux. Ils travaillent. Ils travaillent. Ils travaillent tous les deux. Tous les deux. Tous les deux. Ils travaillent tous les deux. Son père est ingénieur. Ingénieur. Ingénieur. Son père est ingénieur. Chez Renault. Renault. Renault. Chez Renault. Et sa mère est chef de service au ministère de la Santé. Chef de service. Chef de service. Elle est chef de service. Au ministère de la Santé. La Santé. Au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé. Où est-ce que le père de Mireille travaille ? Chez Renault. Et sa mère, où travaille-t-elle ? Au ministère de la Santé. Mireille a deux sœurs. Deux sœurs. Deux sœurs. Mireille a deux sœurs. Combien de sœurs Mireille a-t-elle ? Elle a deux sœurs. Cécile est plus âgée. Cécile est plus âgée, plus âgée. Elle est plus âgée. Elle a 23 ans. Elle a 23 ans. Et elle est mariée. Elle est mariée. Marie-Laure est beaucoup plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune. Elle a 10 ans. Quel âge a Marie-Laure? 10 ans. Elle a 10 ans.